Il dit : Voici une chamelle, à elle de boire un jour convenu, et à vous de boire un jour.